Et effectivement, le 20 octobre débarque à Tampa Town Michel Ardan, un homme de 42 ans, qui voyait tout en grand, sauf les difficultés. Le lendemain, au cours d'un gigantesque meeting rassemblant quelques 300 000 personnes, Ardan montre l'évolution des différents moyens de transport. Il en conclut qu'avant 20 ans, la moitié de la Terre aura visité la Lune. Parmi les 300 000 personnes présentes à ce meeting, il s'en trouva une pour évoquer les difficultés d'une pareille expédition, notamment le retour sur Terre. Mais rien ne troubla la résolution de Michel Ardan. Par contre, Barbicane va trouver ensuite le contradicteur. Il s'agit du capitaine Nicholl qui avait parié sur l'échec de l'entreprise. Et pour laver son honneur, Barbicane provoque Nicholl en duel pour le lendemain matin. Barbicane revint à sa demeure, mais au lieu de prendre quelques heures de repos, il passa la nuit à chercher des moyens d'éviter le contre-coup du projectile et de résoudre les problèmes posés par Michel Ardan dans la discussion du meeting.